Question 17. La signalisation interdit l'accès aux voiturettes. Réponse A. Aux motocyclettes. Réponse B. Aux camionnettes. Réponse C. Aux cyclomoteurs. Réponse D.